Marée par Géode Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Johan. Marée. Ah, j'en ai marre. À chaque marée, c'est pareil. Je vais encore les voir démarrer. Ne vous marrez pas, c'est pas marrant. Marabout, bout de ficelle, bouteilles vides et seringues, vieux bidons, morceaux de filet, gants en caoutchouc, mais ils ont combien de mains? Je ne vous parle pas des oreilles. Ils jouent au mikado avec les cotons-tiges ou quoi? Grande marée ou petite marée, même combat. À chaque flux, j'ai des reflux plus dégueulasses. De guerre lasse, je n'en peux plus. Je ne suis pas bégueule pourtant, mais j'en ai marre. Quand je les vois, sacs plastiques gonflés au vent comme des manches à air, retrousser leurs manches et picorer sur le sable les poubelles qui ont flotté sur mon écume comme une morve infecte, j'ai le sentiment de leur imposer le mythe de Sisyphe, toujours faire et refaire à l'infini. Je n'ai pourtant rien demandé. Je ne veux que danser avec la lune, étinceler sous le soleil, ensorceler les poissons et porter les navires. Ouais, parfois j'en ai gardé quelques-uns de ces matelots intrépides. Mais est-ce une raison pour déverser dans mon univers ces restes qui empoisonnent mes habitants? Certains, ça les fait marrer de se disputer le plus gros butin, à qui aura récolté le poids le plus important de saloperie, ou les plus gros vestiges, ou les plus extraordinaires, les plus moches. Je ne vous cause pas de ce poison mortifère que les pétroliers déversent sur mes vagues. Là, c'est l'enfer. Une marée plus noire que noire, je ne vous dis pas. Oui, vraiment, j'en ai marre d'être la mer amère. Faire et refaire, c'est l'enfer. J'ai l'amertume de mes amers et je n'ai plus le rêve américain. Enfin, peut-être qu'un jour, un vent assez fort coupera les amarres de votre continent de plastique et vous le délivrera une bonne fois pour toutes. Ah, vraiment, si je vois ce jour-là, je pourrais dire foi de mer, mer d'ici et mer de là, mer d'ailleurs, que je me suis bien marrée.